galerie est. Le rat se rapprochait, les milliers d'autres sur les parois lui emboîtaient le pas. Trois autres rats sautèrent sur la corde. J'arrivais au bord et... la corde, elle se déchirait sur la pierre. Le poids des rats allait la briser. Je me suis hissé sur le bord sans même regarder le monde autour de moi. Bouze, dépêche-toi! Allez, Bouze! Plus que quelques centimètres! Jean-Yves, oh, c'est bon! Le rat se rapprochait. Bouze! Bouze m'a tendu la main. Nos doigts se sont effleurés. La corde, elle se déchirait. Bouze! Allez, grimpe! La corde, elle se déchirait. J'ai attrapé la main de Bouze. Mila se recula pour me tenir les jambes sur le sol. Oh, oh. La corde s'est déchirée. La corde s'est déchirée en portant avec elle les rats qui s'y étaient accrochés. Tu vois bien que je suis pas si lourd que ça en fait. Oh, non! Squeak! Je te retiens plus! Je glissais, emporté par le poids de Bouze et celui du rat qui s'était accroché à ses jambes. Mila s'assit sur moi. Je fais ce que je peux! Je fais ce que je peux! Glisse pas plus! Je te tiens, Bouze! Mais lui aussi, il me tient! On tombera tous les deux, Bifwish! Squeak! Je te remonte! Squeak, ta main! Elle glisse! Tiens bon, Bouze! Tiens bon! Mila s'est allongée sur moi. Il est trop lourd! Il t'emporte! J'arrive pas! J'arrive pas à te fixer au sol! Je glissais. J'avançais sur le rebord. Le rat gigotait sous Bouze. Oh, il m'arrache les jambes, Squeak! Ça me fait mal aux jambes! Je fais ce que je peux, je... Non! Squeak! C'est ton nouveau monde, pas le mien! Non, je te laisse pas! Tu crois pas là que je vais Squeak, te... Il me fait mal! T'arriveras pas à me remonter, et si t'arrivais, t'emmènes le rat avec nous. Comment on fait après, hein? Tu t'es pas battu contre un rat sans aucune arme? Je te lâcherai pas! Alors c'est moi qui te lâche! Non! Bouze! Ne fais pas ça, je te l'ordonne! Je suis la fille du grand dirigeant, tu m'obéis! Et si tu remontes, je te fais un bisou sur la joue! Désolé, Squeak! Bouze! Il a lâché la main, je la tenais toujours, mais sa peau glissait sur la mienne. Je n'étais plus tiré vers le grand trou. Le rat posa ses griffes sur le dos de Bouze. Aïe! Oh, ça fait mal! Ben ouais! C'est mes griffes et elles vont te découper! Squeak! Sa main glissait. Bouze! Non! Je l'ai vu. Je l'ai vu tomber, la main tendue vers moi, les yeux grands ouverts. Le rat hurlant sous lui. Je l'ai vu disparaître comme un vulgaire caillou qu'on jette dans un tunnel en pente. Tomber et chuter. Et disparaître, tomber et chuter. L'obscurité de la galerie l'enveloppa. Et les rats qui grimpaient s'arrêtèrent pour le regarder passer, lui et leurs congénères. J'ai fermé les yeux. Non. Squeak. Et je le voyais tomber et chuter et disparaître. Et l'air me brûlait les poumons et cette sensation de vide m'envahit. Tout autour de nous, il n'y avait rien. Du vide. De l'air. Rien que... Bouze, il tombait et chutait. Squeak, faut y aller. Les rats vont bientôt arriver. Oh, je sais que... Mais faut y aller, Squeak, faut y aller. J'étais allongé sur le dos. J'entendais encore les rats qui grimpaient quelques mètres plus bas dans la galerie. Des milliers de rats. Et Bouze parmi eux. Bouze parmi... Squeak. Mila me secouait par les épaules. J'ai ouvert les yeux. Il faisait noir, si noir. À part les milliards de torches si lointaines qui brillaient sur le grand plafond. Oh, je t'en prie, il faut y aller. Je me suis relevé. C'était ça, le nouveau monde. Il y avait ces immenses pylônes sombres qui s'élevaient, immenses et majestueux, et de la mousse, différente de celle des cavernes, et des sortes de barres souples, sombres aussi, qui sortaient de la terre. Et tout était si humide. On y va. Nous étions dans le nouveau monde. Il y avait bien un monde derrière le grand trou. Et les rats nous y avaient conduits. Vous trois, vous défierez les rats. Vous trois aurez seul conscience du drame qui va se jouer. Vous trois, seuls, aurez le courage d'affronter le nouveau monde. Bifwish. Bifwish.